Lancelot Guyot. Donc, vous êtes propriétaire du château de la Ferté-Saint-Aubin, qui est un château à deux pas de nos studios. Pourriez-vous nous résumer brièvement l'historique du château ? Alors, brièvement, c'est compliqué. Parce que c'est assez longue. Mais très rapidement, c'est un château dans sa forme actuelle qui a été construit en deux phases au XVIIe siècle par un père et son fils. Et c'est un château qui n'a jamais été terminé. Donc en fait, on est sur la première phase de travaux en 1615, deuxième phase de travaux à peu près 1670, deuxième partie du XVIIe siècle. Et après, le château a été très peu touché et il a été racheté par mon père en 87. Et grâce à nos visiteurs, qui sont nombreux chaque année, petit à petit, on restaure ce château depuis 30 ans. Alors, vous faites énormément d'activités sur ce château. D'ailleurs, vous êtes un des fers de lance de la région, si je me trompe. Donc, bon, tout le monde pense, moi surtout en particulier, donc aux fêtes de Noël qui sont extraordinaires. Il y a l'odeur des madeleines qui nous prend au nez lorsque on rentre dans le château. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'ensemble des événements que vous avez cet été ? Voilà, par exemple, cet été. Alors cet été, en fait, c'est surtout une nouveauté pour nous, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui change sur le château. On a toujours des activités très ludiques pour justement, en fait, moi, mon but vraiment profond, c'est d'arriver en fait à faire les enfants, quand ils sont emmenés par leurs parents ou leurs grands-parents au château, et ben, ils n'y aillent pas, ou alors ils ne repartent pas avec la moue ou en traînant des pieds. Donc le but, c'est qu'ils passent un bon moment. Et donc on a toujours essayé de développer des activités pour les familles et pour leur jeune public. Et donc cette année, la nouveauté, ça a été l'utilisation du parc. En fait, on avait 40 hectares de parc historique là au château, qui en fait, en compte, ne servait pas à grand chose, puisqu'en fait il y avait peu de gens qui allaient se balader. Et donc on a développé en fait un concept un peu original de parcours des poisons, donc en misant sur une petite anecdote du château, puisqu'en fait la de la Ferté Saint-Hectaire au XVIIe siècle a essayé d'empoisonner son mari. Et donc là, en fait, le principe, c'est que les gens vont devoir partir au travers du parc et d'essayer de retrouver petit à petit les différents ingrédients du poison pour constituer leur poison. Et ils vont passer à travers des îles sauvages, à travers des bois, résoudre des énigmes, traverser des obstacles, etc., etc., et tout ça en famille. Alors, je vois à un moment donné qu'il y a même un passage d'un sentier pieds nus. Tout à fait, voilà, en fait, on a des îles derrière le château, et donc il y a un moment en fait, où il faut quitter ses chaussures pour traverser à gué. Et ensuite, en fait, du coup, les visiteurs sont invités à poursuivre pieds nus, ce qui est une sensation qui est assez particulière, en fait, et que la plupart des gens, en général, apprécient plutôt, puisque du coup, ils vont marcher sur différentes matières, de la mousse, un peu de terre végétale, des choses comme ça, et vraiment, en fait, vivre une expérience un peu différente. Donc c'est un petit peu un cluedo bio, on va dire, donc qui permet à tout le monde de s'y retrouver. Le parcours minimum, donc la durée de ce parcours, est-ce qu'on peut emmener des jeunes enfants, ou est-ce que c'est un petit peu long? Comment ça se passe? À partir, en fait, c'est vraiment un parcours qu'on a conçu comme familial. Le parcours, il y a à peu près un peu plus de 2 km de parcours total, donc il y a un petit peu de marche. Donc il faut que les enfants sachent marcher, mais à partir de 4-5 ans, sans problème. Et ça fait vraiment une belle balade en fait à travers le parc, avec des points d'intérêt très régulièrement. Il faut compter sur le parcours en tant que tel 1h15, 1h30 minimum. Et puis après, vous avez toujours dans notre parc notre petite ferme à l'ancienne, le mini-golf, le jeu de loi grandeur nature, et notre petit village de Jolibois avec nos maisons à l'échelle des enfants qui sont toujours présents, donc au moins 2 heures minimum. D'accord. Et vous avez également, donc vers la fin, donc la mare au diable. La mare au diable, exactement. En fait, il y a les gens vont passer en fait vraiment à travers. C'est vraiment le nom en fait. C'est une mare au fond du parc, et on a vraiment retrouvé ça dans les archives. Elle s'appelait vraiment la mare au diable. Donc c'est trop beau pour être vrai, et surtout pour passer à côté. Donc on l'a utilisé. C'est une mare à côté du repère de la sorcière, de l'empoisonneuse, et qui est située au fond du parc. L'idée, c'était vraiment en fait d'utiliser tous les points d'intérêt du parc. Où les gens ne connaissaient pas forcément. On a des très très beaux arbres, des très beaux spécimens, etc. Des endroits un peu insolites du parc qu'on fait découvrir comme ça aux visiteurs. Alors ce fameux parcours des poisons, donc, est-ce que ce sera permanent ou non? Il y a une date, une fourchette? Alors pour le moment, en fait, si on le maintient jusqu'au 2 septembre, au 2 septembre inclus, et ensuite ce sera tous les week-ends à partir donc du coup du 2 septembre, donc les week-ends et vacances. Donc, d'accord. Les vacances de la Toussaint au moins, les week-ends et vacances. Et alors à quand Noël ? Et alors à quand Noël ? Et ben on est en plein aussi dans les préparatifs en même temps que la saison. Pour Noël, le parcours sera fermé parce que c'est vrai que c'est compliqué quand il fait un peu froid ou avec des météos compliquées. Mais par contre, on travaille déjà sur un beau programme là, d'animation pour Noël au château cette année. Et on espère du coup vous avoir pour une autre interview à cette occasion. Oh, mais bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Lancelot, d'avoir appelé. Et puis, écoutez, je demande à tous ceux qui sont passionnés par les châteaux, par les contes de fées, etc., de venir à la Ferté-Saint-Aubin pour ce fameux parcours des poisons. Donc, complot et trahison, donc un parcours mystérieux dans un parc historique. Merci beaucoup, Lancelot, et puis à très bientôt. Au revoir. Merci à vous, bon week-end, au revoir. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles.